Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Écouter nos chansons, méditer nos idées. Tu connais la maison, ça n'a pas changé. Un peu assagi, mais toujours révolté. Quand j'allume ma télé, l'envie forte de gerber. Les gens sont aigris, y'a plus d'humanité. Jamais heureux, ouais je crois qu'on se fait vieux. On se plaint tout le temps, et vu qu'il passe vite, on gaspille finalement. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Représenter ne sert plus à rien, l'argent prime, chacun trace son chemin. Garde ta déprime, décroche un sourire. T'es pas en Afrique, t'es pas décimé. On peut encore décider, clamer nos idées. Nos enfants peuvent encore dessiner. On donne des conseils qu'on n'a pas écoutés. On se fait vieux, on va bientôt radoter. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Premier cheveu blanc, et c'est bien l'angoisse. Passe le temps, et tu changes de face. Des rides sur le visage, toujours jeune dans la tête. On s'entête, on s'endette, mais au fait. Seulement de passage, faut profiter de chaque moment que la vie voudra nous accorder. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Trop content de revoir le printemps, de ressentir qu'on est là, qu'on est bien vivant. Un jour de plus au rayon, mais content, on s'en fout. Toujours là, bien debout. Avoir les notes, grandir, avoir toujours le sourire. C'est ça, le plus important. On se fait vieux, l'horloge a tourné. Hey, déjà 40 ans. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, être en vie c'est bien mieux. Étrange mais on se fait vieux, tranche de vie pour qui veut. Plus le temps d'être en vieux, plus le temps d'être en vieux. Être en vie c'est bien mieux, étrange mais on se fait vieux.